الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن شاء الله aujourd'hui c'est le cours 44 toujours dans ce même livre هذا الكتاب المبارك 100 سؤال وجواب في العقيدة 200 questions et réponses dans العقيدة. Et dans les cours passés on a parlé de plusieurs choses. Qui peut me rappeler ces choses? Qui peut me rappeler à peu près de quoi on a parlé la semaine dernière? Abdel Karim. Sihr wa ruqya. On a parlé de sihr, on a parlé de ruqya. Quoi d'autre? Malak. Ta'aliq al-tama'im. Sur toutes les choses qu'on accroche, ça peut être un fil. Ça peut être une écriture, ça peut être un coquillage, ça peut être aussi du Coran. Et on a parlé de toutes ces choses-là. Celui qui fait du sihr, qu'est-ce qu'on dit de lui, Mohamed? Le sorcier, sahir, kafirun billah, kufran akbar. Il tombe dans la grande mécréance, la majeure, qui fait sortir de l'islam. Apprendre la sorcellerie. Qu'est-ce que c'est, Mohamed? Apprendre la sorcellerie, c'est de communiquer avec. Le jugement d'apprendre la sorcellerie. Le jugement, c'est de tuer avec un coup de pied. Non. Je te parle pas de la peine. Le jugement. Dans l'islam, c'est quoi comme péché d'apprendre la sorcellerie? Ibrahim. C'est de la conversation. C'est du kufr akbar. C'est de la grande mécréance. D'enseigner la sorcellerie. C'est quoi, Mohamed? La mécréance majeure. C'est du kufr akbar. C'est de la mécréance majeure. Asih kufrun billah azza wa jal. Bidalil kitab illah tabaraka wa ta'ala. Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. As-sahara alimu yaqiniyan. أن الذي اشتراه أي تعامل بالسحر ليس له في الآخرة من خلق أي من نصيب ليس له حسنة واحدة في الآخرة لأنه كفر بالله. Donc Allah عز وجل nous informe dans le Coran que celui qui fait de la sorcellerie, il sait qu'il n'aura aucune part de récompense في الآخرة dans l'au-delà. Vous avez compris? Le sahir, il sait qu'il fait du kufr بالله. Il sait qu'il fait du shirk, billah tabaraka wa ta'ala. Il n'a pas d'excuse. S'il meurt, sahir, qu'Allah nous préserve de son, du devenir de, du sorcier. Taïb. Celui qui va voir le sahir, alladhi yadhhab ila sahir, qu'est-ce qu'on dit de lui? Sami. S'il va le voir, il le croit. Il a des choses qui ont été révélées dans le sorcier. Taïe. Et c'est juste ensuite, une fois. Et s'il va le voir et il croit que ce qu'il sait de ce qu'il sait, il a reçu par les intermédiaires des, comme tu avais expliqué avec les anges, etc. Quand ils écoutent. Non, moi je te pose une question, je veux pas t'oublier, etc. J'ai envie d'apprendre. Ça veut dire du quoi, etc. Si il répond. C'est-à-dire si c'est la personne qui va le voir. Elle sait que ce qu'il a reçu, c'est par l'intermédiaire des anges, des chaitans, qu'est-ce qu'ils ont entendu, mais qu'il connaît pas l'invisible. Qui ne connaît pas l'invisible? Que le sorcier ne connaît pas l'invisible, ne connaît pas le futur, etc. Là, et ben, c'est pas du kufr akbar, mais c'est quand même du kufr. Et s'il croit que lui, il connaît l'invisible, et ben, c'est du kufr akbar. Pour le moyen. Est-ce qu'il peut me réexpliquer ça? Ça dépend en fait comment, parce qu'il le considère comme un moyen ou comme un intermédiaire, ou c'est lui déjà qui arrive à lire l'avenir et qui peut ça vient changer l'avenir. Si je t'ai dit, j'ai pas compris, je veux que tu m'expliques encore mieux. Si tu m'expliques encore mieux. Ça dépend la niya en fait, l'intention de la personne qui va voir un sahar. Parce qu'il le considère comme étant celui qui, c'est-à-dire qui a la possibilité de changer le. C'est-à-dire de faire les choses, c'est-à-dire de faire ce cercle, ou c'est juste qu'un intermédiaire, c'est-à-dire il utilise, je ne sais pas, pour. Al-jawab indak. La réponse, tu l'as. Celui qui va te poser la question, il ne va pas comprendre. C'est-à-dire pour le premier, c'est le kofr kafir. Et si dans le deuxième cas, c'est que, c'est-à-dire c'est pas le même. Voilà, c'est vrai. Lakin ladhi yas'aluk la yafham. Moi, ana fahimt, parce que je sais où tu veux en venir. Lakin, c'est pas exactement comme ça qu'il faut dire. Rafir. Malek, Khalef. Allez, Karim. Mais quoi, la semaine dernière, on a détaillé ça, subhanallah, il n'y en a pas un qui peut me répondre. Tout dépend s'il croit que le voyant, le sorcier, est un sabab dans la guérison, dans la connaissance de l'avenir, ou bien si, donc là, c'est du kufr asrar, ne fait pas sortir de l'islam, s'il croit que lui, il a la guérison, ou bien il. Là, il connaît l'avenir. Vas-y, vas-y, continue. S'il connaît l'avenir, c'est la personne qui va voir le truc et rentre dans le kofr akbar. Taïe. Celui qui va voir le voyant, man ata kahinan ou arrafan. Déjà, c'est pas normal que vous m'avez répondu sans hadith. Parce que vous avez vu dans ce livre-là, à chaque fois qu'il y a su'al dans la réponse, directement il te dit al-jawab, qala rasulullah, alayhi salatu wassalam. Et avec le hadith, tu vas parler moins et tu vas expliquer mieux. Le Nabi alayhi salatu wassalam, utiya jawami' al-kalim. Le prophète alayhi salatu wassalam a reçu d'Allah le don de donner des paroles concises, courtes, dans lesquelles il y a beaucoup de sens. Il dit, alayhi salatu wassalam, man ata kahinan, arrafan, wa sa'al, fa sa'alahu an shay, lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. Il dit premièrement, celui qui se rend chez un voyant, un devin, et qui lui pose une question sur une chose, aucune prière ne lui sera acceptée pendant 40 jours. Déjà ici, on a le hukm, le jugement, de celui qui pose la question, pour l'instant. On ne parle pas encore de celui qui va poser la question et qui va croire en plus de ça. Taïf, celui qui va et qui pose la question à un kahin, à un voyant, celui-là, Allah ne lui acceptera pas ses prières pendant 40 jours. Il est dans l'obligation d'accomplir ses prières, mais Allah ne lui donnera aucune récompense. Premièrement. Deuxièmement, celui qui va voir le voyant ou le sorcier et qu'il le croit, il lui pose une question et il le croit. Celui-là, il se divise en deux. Il y a celui qui va voir le kahin, le voyant, ou le harraf, le sorcier, le devin, et qu'il le croit, c'est-à-dire, يعتقد أن الكاهن يعلم الغيب. هذا كفر بالله أكبر. Il a pour conviction que le voyant connaît l'invisible. Celui-là, c'est de la grande mécréance, la mécréance majeure. Le Nabi عليه الصلاة والسلام dit, من أتى عليكم السلام من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit, celui qui se rend chez un voyant ou un sorcier et qui le croit dans ce qu'il lui dit aura mécru à ce qui a été révélé au prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. Et donc, dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne que celui qui va voir le voyant et qui lui pose des questions et qui croit à ses informations, celui-là, il a mécru en Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a des savants qui disent croire le kahin, tasdiqul kahin, ou sahir, ou al-arraf, le simple fait de le croire revient à être de la mécréance majeure qui fait sortir la personne de l'islam. Et d'autres ont dit, il faut regarder, avant de juger sur la personne, la conviction qu'elle a dans le cœur. Parce que celui qui se rend chez le voyant, il se divise en deux. Il y a celui qui va voir le voyant et qui croit que le voyant connaît l'invisible. Celui-là, il sort de l'islam. Pourquoi ? La ya'lamu al-ghayba illa Allah. Ne connaît l'invisible que Allah. Deuxièmement, celui qui va voir le voyant et qui l'interroge sur des choses et qu'il le croit, en fait, Il ne croit pas que le voyant connaît l'invisible. Il sait que personne d'autre qu'Allah connaît l'invisible. يعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله. Mais il sait que le voyant, il travaille avec مستريق السمع, avec les شياطين, parmi les djinns, les démons parmi les djinns, qui vont voler les akhbar, les informations qu'ils entendent des anges. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit aux anges ce qui va se passer demain. Et les anges parlent entre eux de ce qui va se passer demain. Et le voyant, on l'a expliqué la semaine dernière, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille avec des shayatines, avec des diables, qui montent les uns sur les autres, jusqu'à arriver dans l'endroit où il y a les anges qui parlent de ce qui va se passer demain, par information d'Allah, et ils écoutent. Et ensuite, ils redescendent. Et soit ils se font rattraper par une étoile, et ils sont éliminés, soit ils ne se font pas rattraper, et ramènent l'information au kahin, au voyant. Dans ce cas-là, la personne qui va voir le kahin et qui sait que le kahin il fait ça, et que en croyant le kahin, le voyant, en vérité il ne croit pas qu'il connaît l'invisible, mais il sait qu'il prend les informations des shayatin et qu'il y a certaines informations qui peuvent être vraies, alors là il n'aura pas fait du kufr akbar, il aura fait du kufr asghar. La preuve de ça, parce que là tu vas me dire, le prophète alayhi a dit faqad kafara bima unzila ala Muhammad, il a mécru à ce qui a été descendu sur Muhammad alayhi salam. C'est un autre hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah. Le prophète alayhi salam dit man ata kahinan fa sa'alahu an shay'in fa saddaqahu bima qal lam tuqbal lahu salatun 40 layla. Celui qui va voir un voyant qui l'interroge sur une chose et qui croit à ce qu'il dit, Allah ne lui acceptera pas sa prière pendant 40 nuits. Ici, là, c'est celui qui va voir le voyant, il sait que le voyant, il prend les informations des shayatin. Et dans ces informations, il y en a certaines qui peuvent être vraies. À cause de ça, il ne fait pas du kufr akbar. Parce qu'il sait que seul Allah connaît l'invisible. Hada wadih? Clair ou pas? Si je vous demande la semaine prochaine, vous allez me répondre ou vous allez me dire je sais pas? C'est ça le soual. C'est ça la question. Il n'est pas là juste pour écouter et oublier la semaine d'après. On est là pour apprendre. Il faut comprendre. Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre sa religion. Mais c'est normal. Si vous écrivez pas, c'est normal que vous allez oublier. Si vous êtes paresseux de prendre un stylo et d'écrire sur une feuille, ne vous plaignez pas que vous allez oublier la semaine qui va venir. Taïb. Juste un détail par rapport à ce qu'Allah il envoie aux djinns. C'est plutôt, quand on dit une étoile filante, c'est plutôt un météorite, parce qu'une étoile c'est ça la taille d'un soleil. Donc c'est plutôt un météorite. T'as lu ça où? ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, quand il parle des étoiles, il dit qu'il a embelli le ciel avec des lampes qui sont les étoiles, comme c'est venu dans le tafsir, et il en a fait des lapidations pour les shayatin, les étoiles. Et là on va arriver, on va parler des étoiles dans la question d'aujourd'hui. Ensuite, on a parlé de haddu sahir, la punition du sorcier dans l'islam. Qu'est-ce que le juge il lui fait quand il est attrapé par les autorités compétentes religieuses, pas par le quelqu'un de la rue? Naam. Okay. Il lui tranche la tête avec le sahir. Haddu sahir, darbatun bisayf. La punition ou la sentence du sorcier, c'est l'exécution en lui coupant la tête. Et ça a été rapporté par beaucoup de sahaba radiyallahu anhum qui ont fait ça. Ça se fait ça, parce que maintenant on aura vu. Non. Tu avais dit, c'est si on l'attrape sur le cou, on transfère du siège. Haddu sahir, darbatun bisayf, inshallah. Ensuite, on a parlé de ruqya. C'est quoi la ruqya? Abdel Karim. L'exercice. C'est le fait de lire. C'est quoi l'exercice? Ça veut rien dire, ça. C'est-à-dire, avec le kalam Allah, de lire sur une personne qui est atteinte par un genou ou Il essaie de lui faire sortir le, hmm. le djinn. Qui... C'est tout? Mais le dua du prophète aussi. Le dua du prophète, alayhi salatu wa salam. Taïb. Huwa kalam arabi min al-kitab wa sunnah. ولكي يجب تأثيره يعتقد الرافي المتقي بأنه الشفاء من الله. طيب. Ici il nous a donné شروط الرقية حتى تكون صحيحة pour que la ruqya elle soit correcte dans le din يعني par rapport à Allah سبحانه وتعالى il y a des conditions. La ruqya en elle-même عبارة عن علاج المريض بقراءة كلام الله تبارك وتعالى عليه أو ما جاء في السنة من الأحاديث التي فيها أدعية وطلب الشفاء من الله عز وجل وكذلك بعض الأذكار أو طلب الشفاء من الله عز وجل وإن لم يكن بصيغة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يكن فيها شرك أو مخالفة لشرع الله عز وجل الرقية سي En fait, le fait de traiter une personne malade par la lecture du Coran ou bien la lecture des hadiths dans lesquels le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne comment demander à Allah de le guérir ou bien tout simplement de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de guérir le malade, tout cela entre dans la ruqya qu'Allah azza wa jalla a légiféré. Pour que la ruqya elle soit correcte, il y a des conditions. Et la première condition, c'est quoi? أن تكون من الكتاب أو السنة أو من كلام لا يخالف الكتاب والسنة. Que celle-ci soit puisée du Coran ou bien de la Sunna ou bien que ce soit des paroles qui ne sont pas contraires avec la parole d'Allah ou la parole du prophète عليه الصلاة والسلام. Si une personne est malade et que tu lui récites le Coran, on dit que tu lui as fait une ruqya. Si une personne est malade et tu lui fais un dua à côté d'elle en disant par exemple Bismillah yarqik, Wallahu yashfik, min kulli da'in yu'dik, comme le prophète alayhi salatu wasalam nous a appris, Wa'iduka bi kalimatillahi tamma, min kulli shaytanin wa hamma, wa min kulli aynin lamma, Wa'iduka bi kalimatillahi tammat, min sharri ma khalaq, Allahumma rabban nas, adhib al-ba's, washfi anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk. Toutes ces invocations sont des invocations que le prophète a fait pour qu'Allah guérisse le malade. En fait ou en vérité, la ruqya c'est comme si que tu invoques Allah de soigner le malade en faisant un sabab. Ce sabab c'est la lecture du Coran ou faire des doigts pour la personne qui est malade. Certains savants ont dit la buddha an takuna ruqya bil kalam al arabi. Ils ont dit il est impératif que la ruqya soit faite en langue arabe, sinon elle n'est pas acceptée d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que tous les savants ont dit ça? Non. Certains ont dit qu'on peut la faire dans une autre langue avec des conditions. Oui. Il faudrait que ce qu'ils disent soit يكون الكلام واضحا مفهوما ليس فيه مخالفة لشرع الله. Il faut que ça soit avec une parole qui soit claire, comprise, une parole qui soit comprise dans laquelle il n'y a pas de contradiction avec le livre d'Allah, la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. Pourquoi ils ont donné cette condition là, ceux qui voient qu'on peut la faire en autre langue que la langue arabe? Non. Tu étais là la semaine dernière? Lui, il n'était pas là, il a la réponse. Parce qu'il y a des sorciers qui font une fausse ruqya. Comment ils font au début? Ils récitent la Fatiha ou une surah du Coran et ensuite ils baissent la voix. Et ça, c'est pour faire croire à la personne que c'est un shir ou quelqu'un de l'islam qui va lui faire une vraie ruqya. Au début, ils récitent la Fatiha et après ils baissent la voix et ils commencent à dire des noms bizarres, des mots bizarres. Et dans ces mots, en vérité, il est en train de demander le secours aux shayatin, aux démons. C'est pour ça que les premiers savants ont dit et il faut absolument qu'il parle en arabe, parce que directement on va comprendre et ça sera wadih. Les autres, ils ont dit, il peut parler dans une autre langue que l'arabe si on comprend ce qu'il dit, et que dans ce qu'il dit, il n'y aura pas de shirk ou de kufr ou de bid'a ou de choses mauvaises, de paroles qui contredisent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wadih. Ensuite, on a parlé de ruqya al-mamnu'a, la ruqya qui est interdite par Allah et son prophète alayhi salatu wa salam. Quelle est-elle, Ibrahim? C'est la base du shirk. Hein? Celle qui est basée à la base du shirk. Celle qui est faite à partir du shirk, comme l'isti'ana bishayatin, le fait de demander le secours au diable. On a expliqué qu'il y a des gens, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, qui sont touchés par un djinn, et que pour se débarrasser de ça, comme eux ils sont victimes de sorcellerie, ils vont voir un autre sahir, un autre sorcier. Et ce sorcier-là, il va faire un autre sihr, une sorcellerie, pour que la personne qui est malade ne le soit plus, pour que le djinn qui est en elle, par exemple, si elle a un djinn, sorte. Pour que le djinn qui est en elle sorte. Le fait de défaire la sorcellerie en faisant une autre sorcellerie, et ça c'est haram bila shak. Li'annahu lian Allah azza wa jalla yaqul fi kitabihi al-karim wa la yuflihu as-sahiru haythu ata. Et le sorcier, d'où qu'il vienne, ne réussira jamais. Donc la sorcellerie c'est haram. Par rapport au fait que c'est interdit, je compris, mais est-ce que ça fonctionne comme une... السحر الله عز وجل أثبت وجوده وحقيقته في القرآن ثم نهى عنه. الله عز وجل nous a donné l'information dans le Coran que la sorcellerie existe et qu'elle a un vrai impact, et en même temps il nous l'a interdit سبحانه وتعالى. Donc le sihr peut enlever. Ça ce qu'ils font les chrétiens pour les exorcismes. Oui, exactement. Non, c'est du sihr. Parmi les plus grands sorciers, c'est les juifs sans aucun doute. Et dans Surat Al-Baqara, Allah Azza wa Jalla nous parle des Yahoud. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. هذا كلام في اليهود هذا. Allah ici nous parle des juifs qui ont fait de la sorcellerie. Allez comme ça là. Et les chrétiens prêtres et tout qui disent au nom de la Bible qu'ils guérissent. Ah ben shirkun billah. Ah shirkun billah bila shak. طيب. وهذه رقية ممنوعة. C'est une ruqya qui est interdite. Parce que les prêtres ils font parce que eux aussi ils ont leur exorcisme. Hein? Mais tout ça c'est haram, mais c'est du shirk billah. Et le seul moyen de faire du vrai ruqya, c'est le Coran ou le Sunna ou le Dua. طيب. Ensuite on a parlé, alaykum salam wa rahmatullah, d'accrocher hukm ta'liq al-tama'im. On a parlé de ceux qui accrochent des choses, le kitab, le gris-gris, le porte-bonheur, le coquillage, un fil. Quand il est malade, il met un fil. Quand il veut de l'argent, il met un livre dans sa poche. Quand il veut que son fils sorte de prison, il met un autre, etc., etc. Allah musta'an. Les gens, leur vie, elle est chez autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa rabbul alamin yanzuru ilayna wa yaqulu fi kitabihi al-karim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala fi kitabihi al-karim wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'a. وينزل الله عز وجل تبارك وتعالى في الثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ومع وضوح هذه الآيات والأحاديث يذهب أكثر الناس إلى السحرة والمشعوذين والعياذ بالله. Malgré la clarté de ces versets et de ces hadiths dans lesquels Allah عز وجل et son prophète عليه الصلاة والسلام nous informe que lorsque quelqu'un a besoin de quelque chose, il n'a que le demander à Allah. Allah descend au dernier tiers de la nuit, au dernier ciel, pour dire qui m'invoque que je lui l'exauce, qui me demande pour que je lui donne, qui veut mon pardon pour que je lui donne. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. et les versets, les hadiths dans ça, ils sont nombreux. Et malgré ça, beaucoup de musulmans, dès qu'ils sont touchés par un mal ou par une cale, un malheur, une épreuve, ils se dirigent vers les sahara, vers les sorciers, ils se dirigent vers les voyants, ils se dirigent vers les gens. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date, le petit papier que tu décolles du noyau de la date. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. Et même s'ils vous entendaient, ils ne pourraient pas vous répondre. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. Et le jour du jugement dernier, ils mécroiront en votre association. Malgré la clarté de ces versets, de ces hadiths, on va dans nos pays, on va trouver des milliers et des milliers de gens qui n'ont toujours pas compris ça. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend حَاجَةُ الْأُمَّةِ أَيُّهَا الْإِخْوَةِ إِلَى فَهْمِ تَوْحِيدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Le besoin que la communauté musulmane a de revenir et de comprendre le tawhid, le monothéisme, le fait que le seul qui a dans sa main al-amru kullu, celui qui a biyadihi al-amru kullu min qabl ou min ba'd, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, les musulmans disent ça avec leur langue. Na'am, il n'y a pas un musulman qui ne va pas dire ça avec la langue. Mais si on regarde dans la réalité, malheureusement, on va voir que beaucoup de ces gens qui disent dans leur langue, oui, Allah a tout créé, oui, Allah protège, oui, Allah guérit, on va les voir faire du shirk akbar, wal'iyadu billah. Allah Azza wa Jal yaqul fil Qur'an, Allah dit dans le Qur'an, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu s-salihat, la yastakhlifannahum fil ard, kama stakhlafa alladhina min qablihim, wa la yumakkinannahum dinahum alladhi irtada lahum, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah dit dans le sens de ce verset, Allah a fait la promesse à ceux parmi vous qui ont eu la foi et qui ont fait de bonnes actions qu'il va leur donner la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui étaient avant eux, et il va donner à leur religion qu'il a agréée pour eux force et suprématie. Il va changer leur ancienne peur en sécurité. C'est-à-dire, Allah, il a fait la promesse aux croyants que s'ils veulent réussir et que s'ils veulent avoir la force et que s'ils veulent ne plus avoir peur, ne plus être faibles, ne plus être victimes de toutes les autres communautés, il y a une chose qu'Allah leur a promise, à condition يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْئًا. Il m'adore et ne m'associe à rien. Et c'est pour ça que les ulama, les savants de l'islam, dans beaucoup de leurs livres, ils ont dit مِنْ عَجَبْ parmi les choses les plus étonnantes وَأَكْبَرَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى قُدْرَةِ الْمَلِكِ الدَّيَّانِ. Et parmi les signes les plus grands qui montrent la toute-puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ensuite ils ont dit des choses qu'Allah a bien expliquées dans le Coran, et que malgré ça, beaucoup de gens ne les ont pas comprises. Et donc on voit l'importance d'apprendre la religion. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'apprennent pas, mais ne se contentent pas de ne pas apprendre. Ils mettent en garde leurs frères et leurs sœurs contre l'apprentissage du din et leur disent c'est une perte de temps, va sur le terrain directement. Comment je vais aller sur le terrain avec le shirk? Comment je vais aller appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala si je ne sais même pas que faire de la sorcellerie, c'est du shirk? Comment je vais sauver quelqu'un de la noyade si je ne sais pas nager? Quand on veut sauver quelqu'un de la noyade, on apprend à nager d'abord, on va se noyer? Non, on apprend à nager. Certes, pendant que j'apprends à nager, il y en a 5 ou 6 qui vont mourir. Mais une fois que je sais nager, je vais tous les sauver. Alors que si j'y vais directement sans nager, il y en a 10 000 qui vont mourir. Donc, ala l'insan an yatafaqqah fi d-din. Le musulman, il doit apprendre sa religion. Donc, on a expliqué que celui qui accroche quelque chose sur lui, il a fait quoi? Il a fait du shirk. Akbar ou asrar? Ah, attention, celui qui accroche une tamima, un kitab ou celui qui accroche quelque chose, l'ama, comme ils le prétendent, za'man, pour repousser le mal ou attirer le bien, et il a fait du shirk billah subhanahu wa ta'ala. Man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Celui qui s'accroche une amulette ou un talisman ou un porte-bonheur ou un quelque chose pour repousser le mal ou la maladie, etc., et il a fait du shirk billah tabaraka wa ta'ala. Mais ce shirk ici, c'est le shirk al-asghar alladhi la yukhriju min al-islam fayubqi asl al-iman wa yudhhibu kamala. C'est le shirk qui fait perdre la plupart de la foi mais qui laisse la base, le shirk asghar, comme on a parlé de ça la semaine dernière. طيب اذا كان المعلق من القران, si la chose que tu accroches c'est du Coran, shirk non. Ah ouais. طيب بدع. بدع شرك بدع. حديث الصحابه كي كان يكروشي سا سون فيس مي لوي سيتي بور سون فيس يحفظ ل. طيب et justement nous ici on dit celui qui accroche pour attirer un bien ou repousser un mal. Sahabi qui a fait ça رضي الله عنه, ce n'était pas pour ça, c'est pour que son fils il apprenne la sourate. Non. Ibrahim. C'est pas quelque chose qui est légiféré dans la religion. C'est pas quelque chose qui est légiféré. J'étais bien, j'étais bien. T'as bien esquivé là. Si on attache le Coran, on peut attacher d'autres choses par la suite. Oui, mais ça c'est après. Ça c'est pour ceux qui voient qu'on peut pas le faire. Moi, je te demande d'abord, est-ce qu'on peut le faire ou est-ce qu'on peut... on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Tous les savants disent qu'on ne peut pas le faire. Ils ont divergé. Hein? Ils ont divergé, la plupart ils disent que c'est. Ils ont divergé. Parmi les habitués par rapport à ça, les salafs, il y en a, ils voyaient que c'était autorisé, mais la plupart ils voyaient que c'était interdit. Ouais. Il y en a parmi les salafs qui ont dit qu'on peut le faire. Et d'autres qui ont dit qu'on ne peut pas le faire. L'imam Al-Khtalafou, pourquoi ils ont divergé sur ça? Pourquoi il y en a qui ont dit on peut le faire et d'autres qui ont dit on ne peut pas le faire? Cause du Sahabi qui a fait. Alors, quand ce soit une voie engagée vers. Non, ça c'est ceux qui voient qu'on ne peut pas le faire. Ils disent par crainte que ça nous amène à pire. Mais pourquoi ils ont divergé? Pourquoi il y en a qui ont dit qu'on peut le faire? T'as compris? Parce que Allah dit que c'est un guérison. Parce qu'Allah nous a informé dans le Coran que le Coran est une guérison. Ils ont divergé sur la manière de l'utiliser comme guérison. C'est pour ça que certains ont dit فَيَجُوزُ وَنْ تُعَلِّقْ بَعْدَ السُّوَابِ لِشِفَاءِ لَكِنَ هَذَا لَيْسَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ. En plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il ne faut pas attacher, il faut pas attacher les talismans, etc. Il n'a pas dit excepté le Coran. Ça, c'est pour l'avis de ceux qui disent qu'on n'a pas le droit. Donc, akthar salaf, hein, la plupart des salafs, c'est qui les salafs? Quand on dit les salafs? Sahaba, ou tabi'un, ou atba' tabi'in. C'est ça. Donc, vous allez entendre plusieurs fois ce mot-là, c'est-à-dire Sahaba. Ibn Mas'ud salaf, Abu Bakr salaf, Umar ibn Khattab salaf, etc. La plupart des salafs disent que l'accrocher c'est interdit. Et pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Awalan, ils ont dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il nous a interdit d'accrocher quelque chose, il n'a pas dit illa al-Qur'an. Man ta'allaqa shay'an wukila ilayh wa lam yaqul illa al-Qur'an. Il n'a pas dit sauf le Qur'an. Idhan yadkhul fi hadha, fa huwa 'am yadkhul fi. Deuxièmement, ils ont dit لِصِيَانَةِ الْقُرْآنِ مِنْ إِهَانَتِهِ فَقَدْ يَدْخُلُ بِهِ الْإِنسَانِ فِي بَيْتِ الْخَلَاءِ. Pour protéger le Coran du mépris, parce que il se peut que quelqu'un qui le porte rentre dans les toilettes, il se peut que quelqu'un qui le porte entre dans un endroit qui n'est pas bon, qui est impur, dans un endroit où il y a la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cette raison, ils ont dit aussi qu'on n'a pas le droit de l'attacher. Et troisièmement, ils ont dit سد الذريعة الموصلة إلى الشرك فقد يعلق الإنسان في البداية شيئا من القرآن فيتدرج به الشيطان حتى يعلق غير القرآن فيقع في الشرك بالله عز وجل. Donc pour fermer la porte qui mène à suivre les pas de Shaitan. Au début, il accroche du Coran, et plus le temps passe, plus il oublie, et il commence à accrocher autre chose que le Coran, et il tombe dans le shirk billah subhanahu wa ta'ala. Donc, en résumé, c'est pour ces raisons-là qu'il est interdit d'accrocher le Coran. Et ensuite, certains ont dit que ce n'est pas du shirk, mais c'est une bid'ah de faire ça. C'est une innovation de faire ça, parce qu'on n'a pas entendu le prophète alayhi salam faire ça, ou les sahaba, pour repousser un mal ou attirer un bien. Le statut des hukm al-kohan, on a parlé de ça la semaine dernière, les voyants. On a dit al-kahin kafirun billah subhanahu wa ta'ala, le voyant alladhi yadda'i annahu ya'lam al-ghayb hadha kafirun billah fa innahu la ya'lam al-ghayb illa Allah. Seul Allah connaît l'invisible, subhanahu wa ta'ala. On a parlé de celui qui va voir le voyant, et aujourd'hui on arrive à la question sur les étoiles. As-su'al al-thalith wa thamanoun ba'da al-mi'ah, la question 183. Ma hukm al-tanjim, quel est le statut religieux, qu'est-ce que l'islam dit sur, comment dire en français, Ibrahim? Non, sur l'astrologie. Sur l'astrologie. At-tanjim ma huwa? Huwa an-nazar fi an-nujum lil-istidlal biha 'ala at-ta'thir aw at-tasyir. Le fait de regarder dans les étoiles et en fonction de leur déplacement de dire qu'il va se passer telle et telle chose demain. Ce qu'on appelle l'astrologie. Hein, vous voyez dans les petits journaux, toi tu es né en juillet, t'es un scorpion, toi tu es né en août, t'es un lion, etc. L'astrologie. Hada shirkun billahi akbar. C'est une grande mécréance, c'est une grande association. Je voulais juste dire, c'est-à-dire ceux qui lisent pour s'orienter et se diriger. On va en parler. Voilà. At-tanjim, quand on parle de l'astrologie, on parle de regarder les étoiles et de, en fonction de la manière dont vont bouger les étoiles ou se déplacer, on va dire demain il va se passer telle chose, demain il va arriver telle chose. Et après il te dit si tu es né en juillet à cause de telle étoile, demain tu vas avoir du risque. Si tu es né en août à cause de telle étoile, demain tu vas guérir d'une maladie. Hada kadhib, kulluhu kadhib. Wa ha'ula'i mushrikun. Ce sont tous des associateurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jawab, قال الله تعالى. Donc aussi on va lire la réponse. La réponse de quelle question? Quel est le statut de Al-Jawab, قال الله تعالى. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى والنجوم مسخرات بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد مزاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم ما أرى من في من فعل ذلك له عند الله خلاق أي نصيب. وقال قتادة رضي رحمه الله خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نفسه وتكلف ما لا علم له به. Donc ici on va expliquer un peu toute cette réponse. Donc le stat. Il y a un autre, je ne sais pas si c'est ce qu'on a ici. هذا سئل الشيخ الفوزان عن هذا الحديث وصحته قال لا أعلم هذا الحديث وصحته. نعم نعم. طيب. Donc la réponse à la question de celui qui va ou qui fait, ou le jugement islamique qui concerne l'astrologie, déjà, c'est clair que l'astrologie c'est haram. Et c'est du kufr billah. C'est du shirk akbar. Billah azza wa jal. Parce que ça fait partie du sihr, comme on va voir. Et ça fait partie aussi de iddi'a ilm al-ghaib. De prétendre connaître l'invisible. C'est une sorte de voyance, la sorcellerie. Allah azza wa jal nous a informé dans le Coran des trois choses pour lesquelles les étoiles existent. Les étoiles ont été créées par Allah subhanahu wa ta'ala pour trois choses. Comme Qatada rahimahullah, Qatada qui est l'élève de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui est un grand savant du tafsir et de la sunna. Il nous a donné les trois choses pour lesquelles Allah a créé les étoiles et les a pris des versets. C'est pour ça que le shir ici, il a d'abord cité les versets, ensuite les hadiths, ensuite la parole du compagnon, ensuite la parole du tabi'i. Et c'est comme ça que le muslim y fait. Le muslim, عندما يتكلم عن الدين, le musulman quand il parle du din, premièrement il ramène le dalil min al-Qur'an, l'épreuve du Qur'an. Ensuite, de la sunna. Ensuite, les paroles des compagnons. Et ensuite, les paroles des tabi'un, ceux qui ont vécu avec les compagnons, etc. Allah Azza wa Jal nous dit dans la traduction de ce verset, et il est celui qui vous a assigné les étoiles afin que vous vous guidiez par celles-ci dans les ténèbres de la terre et de la mer. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous dit, il nous a donné les étoiles pour qu'on se guide. Qu'est-ce que ça veut dire? Les voyageurs avant, comment ils faisaient? Ils n'avaient pas de boussole, ils n'avaient pas de nouveaux moyens, ils n'avaient pas tout ça, ils regardaient les étoiles. Et comme ils connaissaient par cœur la forme des étoiles, ils savaient que pour aller en Syrie, il fallait suivre telle et telle étoile, et pour aller dans la péninsule arabique, il fallait suivre telle et telle étoile. Et donc, les étoiles ont été créées par Allah Azza wa Jal pour que l'on se guide dans les déplacements. Aussi en mer. Allah Azza wa Jal a dit fil barri wal bahr, sur terre et en mer. Quand il montait dans les bateaux, il regardait les étoiles pour avancer. Et je crois même que c'est utilisé encore au jour d'aujourd'hui, ça. Deuxièmement, Allah Azza wa Jal a dit, dans le sens du verset, et nous avons embelli le ciel de ce bas monde par des lampes. Et lorsqu'il nous parle des lampes ici, ce sont les étoiles. Allah les a appelées lampes parce qu'elles donnent de la lumière et parce qu'elles sont belles. Nous avons embelli le ciel de ce bas monde par des lampes et nous en avons fait, de ces lampes, une lapidation pour les shayatins. Donc ici on a les trois raisons pour lesquelles Allah a créé les étoiles. La première, pour se guider. La deuxième, pour embellir le ciel. وَلَقَدَ زَيَّنَّ السَّمَاءَ. Donc on a embelli le ciel. Et la troisième, وَجَعَلْنَاهَا النُّجُومَ رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Et nous en avons fait de ces étoiles une lapidation pour les shayatins. De quoi Allah parle ici quand il parle de rujum shayatin, de lapidation des diables? Il parle de quoi, Malek? Non, il parle des étoiles, mais comment ces étoiles lapident les diables? Allahu alam, c'est les étoiles filantes. En tout cas, on sait qu'il y a des étoiles qui lapident, qui sont utilisés pour lapider, pour chasser les shayatins. Quelles shayatins et pourquoi? Non. Ceux qui vont écouter les anges qui parlent de ce qui va se passer demain. Ils sont envoyés par qui? Par le kahana, par les voyants. وَقَالَ تَعَلَى وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. Allah Azza wa Jal nous dit que par son ordre, il nous a assigné les étoiles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. Et le sens de ce hadith, c'est que celui qui prend une science des étoiles autre que, ou qui utilise les étoiles pour une autre raison que ces trois choses-là, et qui utilise les étoiles, par exemple, pour savoir ce qui va se passer demain, il aura fait du sihr. Il aura fait de la sorcellerie. Ici, ils ont traduit comment? Celui qui acquiert une connaissance des étoiles, c'est-à-dire l'astrologie, acquiert en effet une branche de sorcellerie. Voilà. Donc celui qui utilise les étoiles pour autre que ça, il les utilise pour savoir ce qui va se passer demain, etc. Et bien celui-là, il est tombé dans le shirk billah, il a fait du sihr. Il a fait de la sorcellerie. Ensuite, il a dit zad ma zad. Ay kullama zad fi ta'allumi at-tanjim zada fi al-ithm wa fi sihr wa fi shirk. Ici, ils ont traduit comment? Il augmente en termes de sorcellerie ce qu'il augmente en termes d'astrologie. C'est-à-dire, plus il utilise les étoiles et plus il fait de l'astrologie, plus il fait du shirk. Plus il fait de la sorcellerie et de la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est clair. Et قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, bien sûr ici c'est un hadith, il a été jugé faible par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, mais il y a d'autres versions de ce hadith où on retrouve à peu près les mêmes mots qui ont été jugés authentiques. Donc le ma'na sahih. Al-aqallu ma naqul anna al-ma'na sahih. Le sens ici il est juste. Et dans ce hadith, qu'est-ce qu'on retrouve? Que le prophète alayhi salam nous dit qu'il craint pour sa umma, il a peur pour les gens de sa communauté qu'ils ne tombent dans l'astrologie. Deuxièmement, qu'il nie ou qu'il réfute al-qadr, qu'il ne croit pas au destin, qu'Allah a destiné les choses, et aussi que les dirigeants de sa communauté soient injustes. Donc on retrouve dedans at-tasdiq bin nujum. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته أن يقعوا في التصديق بالنجوم فمن ذلك أن التصديق بالنجوم حرام. Donc si le prophète a peur pour sa communauté qu'il ne tombe dans ça, et le prophète ne peut avoir peur pour sa communauté que d'une chose qu'Allah a interdite. Donc on comprend que cette chose est interdite par Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, c'est le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est celui des sahaba qui connaissait le mieux le Coran. C'était un jeune. Abdullah ibn Abbas, il dit, en parlant d'un peuple qui utilise des lettres d'une façon, ensuite il recherche, il regarde les étoiles pour voir ce qui va se passer demain, il a dit ma ara man fa'ala dhalika 'inda Allah min khalaq. Je ne vois pas que celui qui fait ça aura une part de hasanat, de bonnes actions, le jour de jugement d'âme. C'est-à-dire, celui qui fait ça, laysa lahu nasib min al-iman. Celui qui fait ça n'a aucune part de foi. Son élève, Qatada, a dit, Allah a créé les étoiles pour trois choses. Premièrement, les étoiles sont une parure pour le ciel, une beauté pour le ciel. Deuxièmement, une lapidation pour les démons. Et troisièmement, des signes avec lesquels on se guide. Celui qui recherche autre que ces trois choses-là aura perdu son âme. Celui qui recherche autre que ces trois choses-là à travers les étoiles aura perdu son âme et sera rentré dans une chose sur laquelle il n'a aucune connaissance. Ensuite, en ce qui concerne regarder les étoiles pour savoir la météo, le vent, l'arrivée des nuages, etc., il y a certains savants qui disent que ça ne rentre pas dedans. Ça ne rentre pas dedans parce que il regarde ici ce qu'on peut voir. Le vent qui arrive, les nuages, etc. Et il y a certains savants qui disent que même ça, on ne doit pas le faire. La question 184. As-su'al rabi'u wa thamanoun ba'd al-mi'a. Ma hukm al-istisqa'i bil-anwa'. Question 184. Qu'est-ce que dit l'islam? Quel est le jugement sur le fait de demander l'eau, la pluie, aux al-anwa, le pluriel, et le singulier, al-mufarat, huwa al-naw. Al-naw, hiya manazil al-anwa, hiya manazil al-qamar. Al-qamar fi makan. Wal-afwan al-nujum. والنجمة إذا سقطت المكان الذي سقطت منها النجمة يقال عنه نو. Donc l'endroit d'où les, vous savez que les étoiles elles tombent, Elles se déplacent, les étoiles, elles tombent de leur endroit. L'endroit duquel l'étoile tombe s'appelle en arabe Naw, et le pluriel Anwa. Et il y avait, fil jahiliya, avant l'islam, ceux qui demandaient la pluie, ils demandaient la tombée de la pluie aux étoiles, c'est-à-dire à l'endroit d'où les étoiles tombaient. Et quand les étoiles tombaient, ils disaient qu'il y a la pluie qui va arriver. Ils demandaient la pluie à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'ici il dit, qu'est-ce que l'islam dit sur le fait de demander la pluie aux astres. Al-Jawab, qala Allah ta'ala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun. Ma'na hadhi al-aya, anna Allah azza wa jalla idha anzala al-matar, anzala al-rizq. Allah azza wa jalla yaqulu lahum, wa taj'aluna rizqakum, ay idha nazala al-matar alladhi huwa rizqukum, tukadhibuna bihi. تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا فأنتم تكذبون الله يرزقكم وتكذبون الله بهذا الرزق والعياذ بالله. الله عز وجل يجي dans le Coran donc dans la traduction est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge. Bon, c'est un peu compliqué, mais en fait ici ce verset il nous parle d'une chose, c'est que quand Allah leur donne le rizq à travers la pluie, la subsistance à travers la pluie, car rizq al-matar sababu al-arzaq kulliha, la cause de toutes les subsistances sans aucun doute c'est la tombée de la pluie. Allah azza wa jalla quand il donne la pluie aux ces gens-là, ils disent on a eu de la pluie grâce à telle et telle étoile. Ils ne disent pas grâce à Allah. Et en disant cette parole, ils démentent Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ici leur dit, et quand on vous donne le rizq, vous démentez Allah. Vous ne croyez pas en Allah. Quand Allah vous donne la pluie, vous croyez à autre qu'Allah au lieu de le remercier subhanahu wa ta'ala. Et on va voir l'explication de ce verset dans le hadith qui va venir après. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, qu'il y a quatre choses dans sa communauté. Il dit, il existe quatre choses dans ma communauté faisant partie de l'époque de l'ignorance. C'est-à-dire que ces choses, elles existent encore fil l'umma. Wa hadhi al-ashya mawjouda fil l'umma wa hiya min umur al-jahiliya. Elles existent encore dans notre communauté alors qu'elles font partie des choses faites par les associateurs d'avant l'islam. La première, il dit al-fakhru bil ahsab. Et al-fakhru bil ahsab yatakabbar بآبائه وأجداده ويقول أنا من عائلة كذا وكذا وأنا أحسن الناس. الفخر بالأحساب, c'est le fait de vanter ses ancêtres, de se vanter de ses ascendants, de ses parents, grands-parents et de la famille, et de dire moi je viens de telle famille, je suis meilleur que les autres. Cette chose-là, elle existe chez les musulmans et elle fait partie des choses qui ont été faites par les associateurs d'avant l'islam. Et c'est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Comment on sait que c'est interdit? Qala alayhi salatu wa salam min amri al-jahiliya. Et ils font partie des choses de l'jahiliya, des choses de l'époque d'avant l'islam. Deuxièmement, wa ta'nu fil ansab. At-ta'nu fil ansab, c'est le fait de dénigrer les généalogies. Tu es le fils d'un tel, tu es le fils d'une telle, mais en se moquant. C'est un peu proche de la première chose. Hein? C'est le contraire de la loi. Ouais. De parler des enfants, de la descendance, plutôt. T'as-t-il? Et en fait, c'est à peu près la même chose. Ces deux choses-là, elles sont proches. C'est le fait de se croire mieux que l'autre parce qu'on est de telle et telle famille, de telle et telle tribu, de telle et telle qabila. فَنَا أَحْسَنْ مِنْهُمْ. Allah Azza wa Jal يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Le plus noble d'entre vous chez Allah, c'est le plus pieux. Donc, peu importe l'endroit d'où tu viens, Bilal, radiallahu anhu, qui vient de l'Éthiopie, il est devenu meilleur que beaucoup de sahaba qui était un esclave, Salman al-Farisi, qui est arrivé de l'Iran actuel, qui vient de la Perse. Il est arrivé, il est devenu parmi les meilleurs sahaba, et bien d'autres compagnons encore. Et ensuite, وَالِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ, et le fait de demander de la pluie aux étoiles. Le fait de demander de la pluie aux étoiles. هَذَا شِرْكُمْ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. C'est une association à Allah Azza wa Jal. وَالنِّيَاحَ, et la, les lamentations. النِّيَاحَ هِيَا شِدَّةُ بُكَاءِ الْمَرْأَةِ مَعَى رفع يعني مع الصراخ والتسخط على قدر الله عز وجل مع لطم الوجوه الى غير ذلك. Donc النياحة, les lamentations, c'est le fait que quand on est touché par un malheur, et ça arrive plus à la femme, hein, c'est une des raisons pour lesquelles le prophète عليه الصلاة والسلام a dit لعن الله زائرات القبور أو زوارات القبور على خلاف qu'Allah maudisse celle qui visite beaucoup les tombes, ou bien celle qui visite les tombes, selon une divergence des savants. Donc pourquoi? Parce que la femme, elle est faible dans ces choses là et Allah Azza wa Jal, le prophète alayhi salam, nous ferme toutes les portes qui peuvent nous mener à une chose mauvaise. Et une des choses dans laquelle la femme tombe facilement, c'est les lamentations. Quand une personne de sa famille meurt, elle pleure à un point où elle lève la voix, elle hurle, elle crie, elle déchire ses vêtements et elle se plaint et elle se dit pourquoi moi et pourquoi ma famille et pourquoi, etc. Et ça, c'est grave, c'est un grand péché, parce qu'en faisant ça, la personne n'accepte pas la sagesse d'Allah, n'accepte pas la justice d'Allah, n'accepte pas ce qu'Allah a décrété, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salam nous dit dans Sahih Muslim que si la femme qui fait niyah, les lamentations, ne se repent pas de son péché, elle sera ressuscitée le jour du jugement dernier avec une tunique en goudron. Elle va mettre un vêtement en goudron. وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. الله سبحانه وتعالى دي dans un حديث قدسي. حديث قدسي c'est une parole d'Allah mais qui n'est pas dans le Coran. C'est-à-dire que Allah a dit à Jibril cette parole, et Jibril l'a dit au prophète, et le prophète a dit aux gens, Allah a dit. Mais on ne le retrouve pas dans le Coran. C'est le prophète qui nous l'a rapporté. Alayhi salatu wa salam. Et dans cette parole, Allah Azza wa Jal a dit, parmi mes serviteurs, certains se sont réveillés croyants en moi, et d'autres mécréants. Quant à celui qui dit, la pluie nous a été donnée par la grâce d'Allah et sa miséricorde, celui-là est croyant en moi, mécréant à l'astre. Quant à celui qui dit la pluie nous a été donnée grâce à telle et telle étoile, celui-là est mécréant en moi, croyant aux étoiles. Taïf. Ici Allah Azza wa Jal nous dit qu'il y a parmi min ibadihi man huwa kafirun bihi ou mu'minun bihi, il y en a parmi ses serviteurs qui sont croyants en lui et d'autres qui sont mécréants. Awwal su'al, première question que je vous pose. Al-kufr al-maqsoud huna, hal huwa al-akbar aw al-asghar? La première question. Ici, la mécréance qui est citée, est-ce que c'est la mécréance majeure ou mineure? Avant de vous demander la réponse, on est en train de parler de celui qui se réveille le matin et qui voit que la pluie elle est tombée. Et quand il a vu que la pluie elle est tombée, il a dit la pluie est tombée grâce à telle et telle étoile. Allah Azza wa Jal, il dit celui-là, c'est un mécréant. Et celui qui dit la pluie est tombée grâce à Allah et à sa miséricorde, celui-là, c'est un croyant. Donc celui qui dit la pluie est tombée grâce à telle et telle étoile, c'est un mécréant. C'est-à-dire ah, il a répondu. C'est la mécréance majeure. La mécréance majeure. Elle a répondu. Qui a répondu? Majeur. Il s'appelle comment? Hakim. Mashallah. Il l'a associé à Allah. Évidemment. Ouais. Hein? Cool. Allah. Allez. Au début du téléphone, c'est Allah. Il est serviteur. Malek, il se prépare. Il dit Allahu A'lam, mais et après, il rentre dans l'œuvre. D'ailleurs كلنا عباد لله تبارك وتعالى العبودية تنقسم bon on va pas rentrer dedans on est tous des serviteurs d'Allah طيب أصغر il y en a ici qui ont dit mécréance majeure celui il y en a qui ont dit mécréance mineure. طيب لماذا شرك أصغر؟ لأنه اللي قبله بالنسبة لل يمشي سحرة السحرة أكثر من الشيء في شرك أكبر وفي أصغر لكن هذا لا هو الجواب Hein? Mohamed Ali il a dit parce que on a dit de celui qui va voir le sorcier qu'il n'a pas fait du coup Akbar avec à une condition. C'est laquelle? S'il croit que le sahir, le sorcier, il ne voit pas le ray. Donc il a dit si lui il a fait du coup Asrar, alors on va dire de celui-là que c'est du coup Asrar parce que c'est moins grave. C'est pas ça le général. Il a essayé. جزاه الله خيرا نعم الله يقول عليكم السلام الله يقول فان هو ينزل ينزل المطر donc quelqu'un qui va dire le contraire c'est du kufr. Allah a dit dans le Coran que c'est lui qui fait descendre le matar et celui qui dit le contraire il a fait du kufr. اقرأ الحديث بتأمل lis bien le hadith, écoute bien le hadith. مطرنا بنوء كذا وكذا. On a reçu la pluie grâce à telle étoile, telle et telle étoile. Si c'est le Babir, c'est ça? Moi, c'est une question que je te pose. Tu me donnes une réponse, tu ne donnes pas une question. C'est mineur. Si parce que c'est qu'une cause. Hein? C'est comme le mais il a dit lakin il aurait dû rajouter allati ba'atha Allah. C'est pour ça déjà le jawab, mais t'as la réponse mais non. En fait je me posais une question pas répondre. Non, moi je veux des réponses. Mohamed, il y en a qui croient qu'ils adorent des étoiles, ils peuvent bien dire que c'est grâce à toi qu'on a eu la pluie. Donc, qu'est-ce que tu as mis là? C'est la mécréance majeure. Ils ont associé quelque chose à Allah. C'est pas comme on l'a vu. On sait qu'elle a. C'est-à-dire, une relation avec vous. Des fois, la réponse, elle se trouve dans le même hadith. Ici, la réponse, elle est dans le hadith. Mais il a répondu, Samy, en fait. Vas-y. T'as envie, vas-y. C'est-à-dire, c'est lui qui croit. Que c'est l'étoile en elle-même qui donne la pluie. Ça, c'est du Cheikh Akbar. Celui qui croit que c'est Allah qui descend la pluie par la cause de l'étoile, et bien c'est du Cheikh Akbar. C'est ça la réponse d'Abdel Nour. C'était juste qu'il fallait bien la donner. Mutirna binaw i kada ay mattarana Allah bisababi hada naw. Hada shirkun asha, kufrun asha. Walau qal mattarana naw kada kada, hada shirk akbar. Donc la réponse, elle est dans le hadith. Allah Azza wa Jalla il dit qu'il y a parmi ses serviteurs des gens qui disent on a reçu la pluie grâce à telle et telle étoile, c'est-à-dire Allah nous a donné la pluie par la cause de telle et telle étoile. Ça c'est du shirk asrar, c'est du kufr asrar. Mais celui qui dit telle étoile nous a donné la pluie, la yunzilu al-matar ila Allah Azza wa Jalla, fa hadha kufr akbar. Et ici dans ce hadith là c'est asrar. Mutirna bisababi naw kada kada kada. Vous avez compris ou pas? Mais ça, c'est quelque chose à dire. Non, c'est du shirk asrar. Le shirk se divise en deux, tu te souviens? Akbar et asrar. Ici, il a associé à Allah c'est de l'association mineure, pas majeure. La réponse, c'est si il avait dit que l'étoile, elle fait descendre la pluie, là, il aurait fait de l'association majeure. Mais là, il a associé à Allah en disant que la cause pour laquelle Allah lui a donné la pluie, c'est les étoiles. Attends. Et donc, en disant ça, il a fait de l'association, mais mineure. En quoi elle consiste, cette association? C'est qu'il s'est associé à Allah dans le fait qu'il a jugé d'une chose qu'elle est une cause. Il n'y a que Allah Azza wa Jalla qui décide les causes. On a déjà parlé de ça dans des cours passés. Ça revient à notre époque là. Quand maintenant, hein, on écoute la météo et que la personne qui présente, elle dit c'est l'anticyclone qui va ramener la pluie. Est-ce que ça rentre dans le même exemple ou pas? Parce que à la base. Écoute, regarde, là, c'est une règle. Tu comprends cette règle, tu vas la comprendre dans tout ce qui se passe. اتخاذ ما ليس بسبب سببا شرك هذه القاعدة. Prendre une cause, une chose qui n'en est pas une, c'est du shirk billah تبارك وتعالى. هذا سؤال مهم جدا. Voici, عليكم السلام ورحمة الله. Voici une très très grande question. كيف نعرف الأسباب? Comment on connaît les causes? Tout ce qu'on veut faire, on est obligé de faire les causes pour l'avoir. Et on connaît les causes de deux manières. Al-amr al-awwal, ikhbar min Allah azza wa jal an amrin an shay annahu sabab. Sawa kana fi shifa ou fi najah ou fi ghayr dhalik. Premièrement, l'information qui nous vient d'Allah ou de son prophète alayhi salatu wa salam qu'une chose est une cause pour arriver à ce qu'on veut. Al-nabi alayhi salatu wa salam, Allah tabaraka wa ta'ala qala fil 'asal fihi shifa'un lin-nas. Lorsqu'il nous parle du miel, il nous dit qu'il y a dedans une guérison pour les gens. فَنَعْلَمْ بِإِخْبَارِ اللَّهِ أَنَّ الْعَسَلِ سَبَبْ لِلْحُصُولِ عَلَى شِفَاءِ اللَّهِ. On sait avec l'information d'Allah que le miel est une guérison, est une cause pour qu'Allah nous donne la guérison. النبي عليه الصلاة والسلام, le prophète nous dit que celui qui prend سَبْعَ تَمَرَاتَ عَجْوَى le matin, cette date de Hajwa le matin, il n'aura pas le sihr, il n'aura pas la fièvre. Allez comme salam. Donc on sait que manger la Hajwa 7 le matin, ça te protège. C'est une cause pour qu'Allah te protège de la sorcellerie, de la fièvre. Et toutes les informations qu'on trouve dans le Coran et dans la Sunna concernant des choses qui sont des causes, hakada. C'est comme ça qu'on croit que les choses sont des causes. Deuxièmement, al-tajriba, par l'expérience. Par exemple, avec le temps, on a compris que le doliprane, c'est une cause pour qu'Allah nous guérisse la tête, les maux de tête. Donc, on a le droit de dire doliprane, c'est un médicament pour le mal de tête. Mais, dans n'importe quelle chose que tu veux faire, tu ne dois pas dire d'une chose qu'elle est une cause pour avoir une chose, si tu n'as pas lu ça dans le Coran, la Sunna, et si tu n'as pas essayé avant. Ou si ce n'est pas prouvé que cette chose est une cause. Aujourd'hui, maintenant, celui qui dit Mutirna bi sababi naw i kada wa kada, on a reçu la pluie d'Allah par la cause de telle et telle étoile, et takhadha ma laysa bi sababin sababa. Il a pris une chose en cause qui n'est pas une cause, qui est les étoiles. Ni dans le Coran, ni dans la Sunna, on nous informe que les étoiles sont une cause pour que la pluie tombe, et ni avec l'expérience on a vu que les étoiles sont une cause pour que la pluie tombe. Donc ici il a fait du shirk asrar. Vous voyez? C'est comme ça. Non. Sauf que eux, l'erreur qu'ils font, mais de toute façon c'est les kuffars, tu vois. C'est qu'ils disent demain il y aura ça. Voilà, ya'lamu ma fil ghad illa Allah azza wa jalla. Et c'est pour ça que dans les pays musulmans, ceux qui présentent la météo, yurtiun, ils se trompent beaucoup. Ils disent demain il y aura ça, demain il y aura ça. Là, al-wajib alayhim an yaqulu insha'Allah, bi-idhnillah, idha katab Allah, sayakunu kada wa kada, si Allah a décidé. Mais là, yaqulun bil-jazm, ils ne doivent pas être sûr. Assure quand ils disent ça. Et, non. Non, non, non, non, non, non, non, non, jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans, dans certains des pays, et ben, quand la pluie tombe, ils disent non. Et déjà, cette parole-là, elle vient de cette chose-là, de l'jahiliya. Naam. On dit pas non. Eux, ces gens-là qui répètent ça, ils savent pas ce qu'ils veulent dire. Mais il faut remonter, fait l'asl. D'où ça vient? On va voir que ça vient de cette croyance-là. Mutirna binaw ikadaw. Kama qala an-nabi alayhi salatu wassalam. Tayyib. Après, il a kanu yusammun al-matar naw'an, hada la shay fihi. Si, si pour eux, ils croient que naw bima'na matar, hada la shay fihi. Lakin idha idha kan. Voilà. C'est comme dans le hadith, hada la yaluz bila shak. طيب نسارت لا ينظر على رسل لسم القوشان إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.